croisade en djihad, un seul seigneur et maître, l'intolérance. De massacre en guerre sainte, une seule fois, l'intolérance. Comment faire entrer un peu de clarté dans vos cerveaux intoxiqués? Réfléchissez, croyants et souffrances bénissent le même secret. Hey musulmans, protestants, catholiques, pour faire la guerre, mon Dieu que c'est con. Hey musulmans, protestants, catholiques, pour faire un homme, mon Dieu que c'est. Protestants, catholiques, pour faire la guerre, mon Dieu, que c'est con.